Allô? Ici le service assistance, j'écoute. Ah, enfin! Madame, ça fait 10 minutes que je suis en ligne. Et votre petite musique pour faire patienter les clients me tape sur les nerfs. Je vous écoute, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Bon, alors voilà, ça fait déjà 3 jours que je n'ai pas reçu d'email. Je pense qu'il y a un problème avec ma boîte de réception ou avec le transporteur ou... Quel transporteur? Bien. Est-ce qu'un message d'erreur s'affiche quand vous vous connectez, monsieur? Non, pas du tout. Je vous dis qu'il n'y a rien qui arrive dans ma boîte aux lettres de l'ordinateur. Pouvez-vous me donner votre adresse IP ou, si vous ne la connaissez pas, le nom de votre fournisseur d'accès, votre type de connexion et... Oh là là, je n'y comprends rien. Je vous dis que je ne reçois pas de messages, pas que je veux faire des études d'informatique. Bon, nous allons faire un essai. Pouvez-vous me donner votre adresse mail et je vais essayer de vous envoyer un message. Oui. Pierre Dupont, tout ensemble et en minuscule, à toile.com. Bon, je répète, pierredupont@toile.com. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai dit à toile.com. Oui, c'est ça. Ça se prononce arrobase. Donc, je vous envoie un message et vous me rappelez pour me dire si ça va maintenant. Ah non, vous attendez. Je ne veux pas encore rester 10 minutes avec la petite musique. Bon. Je suis sur la première page, là où on demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Une seconde. Je regarde où j'ai noté mon mot de passe. Ah, je l'ai trouvé. Bon, j'entre dans ma Et boîte. alors, vous avez reçu mon message? Oui, madame. Ça alors, je ne comprends pas. Ça veut dire que depuis 3 jours, personne ne m'avait envoyé de message. Alors que d'habitude, je reçois au moins des publicités. Merci bien, madame. De rien. À votre service. Au revoir, monsieur.